no, no, no. Yeah, yeah. Oh, no, no, no. Oh, oh, oh, do. Oh, oh, oh, oh, oh, no, no. Maman voudrait guider mes pas, mais ça ne marche pas. Faire avancer mes rêves, pourquoi pas. Ça me rend malade, je vois les gens partout te sourire mais te salissent. Si tu savais tout ce qu'ils me disent, t'en serais malade. Oh, allô, allô, oh, allô. J'ai tourné des pages et des pages sans le moindre souvenir. Alors on change de repère, on a de nouveaux rêves. C'est toujours pareil, ville à canard de la chine. C'est mes dirigeants qui ne vous méritent pas. Alors vous faites le meilleur, mais ne vous comprenez pas. Aimer, c'est voler. Aimer, s'envoler. Vous aimez des gens qui ne vous méritent pas. Alors vous faites le meilleur, mais ne vous comprenez pas. Aimer, c'est voler. Aimer, s'envoler. On m'a dénigré quand j'ai voulu évoluer. Maintenant que je marche, les autres courent. Comme le dit maman, ne te laisse pas faire. On m'a appris à dominer, laisse tomber, laisse tomber. Trop déterminé, laisse maman aller. Me protéger, ma priorité. En tête à tête avec moi-même, solitaire, je me sens complète. Pourquoi lutter? Je dois faire ma route. Pourquoi lutter? Je n'ai plus de doute. C'est mes dirigeants qui ne vous méritent pas. Alors vous faites le meilleur, mais ne vous comprenez pas.